Chapitre 33e, la cascade de feu. L'heure arriva où il devait se rendre chez la comtesse Varsovia. « Chef, lui dit Félan, venant dans un petit café au rendez-vous qui lui était fixé, la comtesse est maintenant chez elle, elle vient de rentrer. » Or, Paulin-Broquet savait parfaitement, d'après le rapport de ses hommes, de ses lieutenants fidèles, que la comtesse n'avait pas reparu chez elle de toute la nuit. « Bon, fit Paulin-Broquet tranquillement, allons. » Ils se rendirent tous deux à la maison qu'habitait la comtesse. Paulin-Broquet se fit ouvrir la porte de la rue, et donnant un nom de locataire que Félan lui avait livré dans la journée, il commença l'ascension de l'escalier, plongé dans l'obscurité absolue. Félan passa devant. Tout à coup, Paulin-Broquet l'arrêta, le prenant par le bras. « Est-ce que tu as ton revolver, mon garçon ?» lui demanda-t-il. « Oui, chef, » répondit Félan, le lui faisant toucher de la main. « Donne-le-moi, j'ai oublié le mien. Et je peux en avoir besoin, quand même. » « Tu sais, avec un homme comme Zigomar, il faut s'attendre à tout. Toi, tu n'as rien à craindre dans l'escalier. »« En effet, chef, rien à craindre. » Paulin-Broquet s'empara du revolver de son lieutenant, puis il recommença à monter. « Vous me direz, chef, » demanda Félan, « quand il faudra que je m'arrête ?»« Au milieu de l'escalier, entre l'étage supérieur et celui qui habite la comtesse, je te l'ai dit. »« Mais nous y sommes, chef. Tu en es sûr ? Parfaitement. C'est là le palier. Voici la porte de son appartement au-dessus de nos têtes. Ah ! » fit Paulin-Broquet, monte quand même encore un peu. C'est qu'alors, chef, au tournant, je ne pourrai plus voir, plus entendre si quelqu'un monte ou descend. Crois-tu ? Oui, chef, c'est certain. Ça ne fait rien. À cette heure-ci, personne ne montera, ni ne descendra. D'ailleurs, tu vas m'aider à ouvrir la porte. Bien, chef, dit Félan. Le traître, alors, qui ne voulait pas monter plus haut, sembla pris d'une ardeur ascensionnelle extraordinaire. Deux par deux, il enjamba les marches de l'escalier. Pas si vite ! Lui dit Paulin-Broquet, le saisissant par les basques de son veston, « Tu vas dépasser l'étage. » Il le tint ainsi, et avec lui s'arrêta sur le palier. Très simplement, de l'air le plus naturel, il lui demanda, « C'est ici ?»« Oui, chef. »« Quelle porte ? Droite, gauche, droite. »« C'est parfait. » Jusqu'à présent, le détective et son lieutenant se trouvaient dans l'obscurité. Une fois sur le palier, Paulin-Broquet tira sa petite lampe électrique et fit jaillir la lumière. Il promena les rayons lumineux sur les deux portes, les examina attentivement, celle de gauche d'abord, celle de droite ensuite. Toutefois, il savait déjà parfaitement quelle était la porte de l'appartement de la comtesse Varsovia. Dans la journée, il était venu l'étudier. « Tu es sûr ? » demanda-t-il encore à Félan, « que c'est bien la porte de droite ?»« Oui, chef, à droite. »« Bon, nous allons voir. Ouvrons. »« Tu ne connais pas encore, mon garçon, ma façon d'ouvrir une porte. » Même quand il y a, comme certainement c'est le cas ici, des systèmes de serrure de sûreté. Tu ne m'as jamais vu employer mon appareil de cambrioleur. Viens voir ça, c'est intéressant. Viens, approche. Mais Félan semblait peu curieux d'assister à cette opération. Pendant que le chef fouillait dans sa poche pour prendre son appareil qui ouvrait toutes les serrures, Félan essayait de gagner les marches de l'escalier. Encore une fois, Paulin-Broquet le rattrapa. « Par ici, mon garçon, » dit-il en le ramenant. « Où vas-tu donc ? Tu as envie de descendre ? Tu ne veux pas te compromettre dans un cambriolage ?» Il m'a semblé, chef, entendre du bruit dans l'escalier. Je voulais voir si quelqu'un montait. Non, non, il ne monte ni ne descend personne. Paulin-Broquet ramena Félan vers la porte. Il la lui fit presque toucher du dos. Mais Félan opposa une vive résistance. Il voulut s'écarter, s'éloigner, fuir. Alors Paulin-Broquet dirigea le rayon lumineux de la lanterne sur son lieutenant. Félan était pâle, ses yeux dilatés, le claquement de ses dents, malgré lui, trahissait son angoisse. « Qu'est-ce que tu as donc, mon garçon ?» lui demanda Paulin-Broquet, souriant. « Te voilà tout ému. Tu as peur ? Allons, allons. Je te croyais plus de nerfs que ça. Voyons, tu n'as rien à craindre. Je suis avec toi. » Il le tenait fermement. Sa main puissante lui serrait le bras, le broyait. « D'ailleurs, » continua-t-il, « c'est une chance. La porte est seulement poussée. Elle va s'ouvrir au premier effort, à la première poussée. » Et il commanda. « Entre !» Et en même temps, il accrochait sa lampe électrique à son gilet pour avoir de la lumière tout en conservant les deux mains libres. Et sa main droite, qui tenait jusqu'ici la lampe, se montra tout à coup armée d'un revolver. « Entre !» répéta Paulin-Broquet d'un ton bref. Félan essaya encore de fuir. Le détective le ramena et le maintint devant la porte. Félan se sentit perdu. Il avait depuis un moment parfaitement compris que le chef savait tout et ne l'avait amené là, avec lui, que pour le confondre. Alors, lâche et veule, il se laissa tomber à genoux. « Pardon !» balbutia-t-il, affolé. « Pardon, chef !» Très calme, Paulin-Broquet, le tenant toujours sous son revolver, lui jeta son mépris à la figure. traître, lâche, misérable. Je cherchais depuis longtemps la preuve de ton infamie pour te châtier. La voilà. Pitié, chef, pitié. Allons, tu n'as même pas l'âme d'un bandit. Tu n'es pas digne d'être dans la bande de Zigomar. Les aides ont du courage. Tu n'es qu'une loque humaine. Je vous en prie, chef. Je sais qu'il y a là, derrière cette porte, un appareil terrible, une machine infernale qui doit me tuer à coup sûr. Tu as travaillé à l'installer. Non, chef, je t'ai vu. Et tu m'as amené ainsi sans scrupule à la mort. Grâce, grâce, non. Et au moins le cœur de bien expié. Car si pour la broquette te condamne, c'est Zigomar qui t'exécute. Ce disant, il souleva Félan par le cou. Il l'attira à lui pour prendre de l'élan, le balança, et le lança comme à la volée dans la porte. Ce fut épouvantable. Félan poussa un cri de suprême terreur, un cri de mort. Sous le poids de son corps lancé avec force, la porte s'ouvrit. Du haut de la porte, il tomba comme une cascade de feu dans laquelle Félan fut englouti. Derrière la porte, en haut, était accrochée une vessie de caoutchouc pleine d'éther. La porte, en s'ouvrant, la déchira. L'éther s'échappa, coula et s'enflamma au contact d'étincelles électriques qu'en s'ouvrant la porte produisit en même temps que la déchirure. L'infernale invention de Zigomar pour se débarrasser de son ennemi venait de châtier un traître. C'était atroce, mais de bonne guerre, c'était aussi de toute justice. Félan ne put échapper au châtiment. Quand les pompiers arrivèrent pour éteindre l'incendie, on retrouva son corps effroyablement carbonisé. Mais celle qu'on ne revit jamais plus à son appartement, ce fut la délicieuse comtesse Varsovia. Elle disparut, quitta Paris, emportant non les regrets de Simonet, maintenant désillusionné, mais le secret de son charme et de son exquis parfum blond.